la définition du jour. La définition du jour, c'est... Le curtage. Stridulation. Qu'est-ce que c'est la stridulation, Marie Janson? Waouh. La stridulation... Ça sonne comme un son. Voilà, exactement. Alors, voilà. C'est très... un battement rapide. La stridulation est le mécanisme principal de communication acoustique chez les insectes. Il permet d'émettre un signal sonore via l'utilisation de différentes structures. Cette technique est notamment utilisée chez les orthoptères en sylphère, incluant les... J'arrive pas à prononcer ce mot, donc je vais passer. Chez lesquels la stridulation permet d'émettre une large gamme de signaux. Les Grillidae, oui. Bon, voilà. Finalement, le groupe des grillons. T'as bien réussi à prendre le nom de l'artiste de ce soir. Oui, alors, ne nous avancerons pas trop, j'ai déjà oublié. Chez lesquels, donc, la stridulation permet d'émettre une large gamme de signaux sonores impliqués, par exemple, dans la sélection sexuelle et la territorialité. Et parmi les modes de stridulation, il y a différents organes qui servent à la stridulation, dont les élytres, donc c'est les petites ailes qui servent surtout de protection aux ailes de certains insectes, comme les grillons, les sauterelles, les pattes, le thorax, l'abdomen ou l'aidéage. Mais qu'est-ce que c'est l'aidéage? Mince, encore une définition. Voilà, l'aidéage, c'est le pénis vibromassant de la tipule, autrement appelé le cousin. Waouh, et c'est pas ce que tu as trouvé au puce l'autre jour, là? Oui, peut-être, oui. En tout cas, on dira, on ne se gênera pas de dire à son cousin, cache ton aidéage, s'il te plaît. Nous sommes en public. Et de cette définition, nous allons passer à la première séquence du jour. Mais il faut que je retrouve mon petit programme pour être sûr. Oui, voilà.